Allô, allô, allô, allô, allô. J'ai des notifications, j'ai des notifications. Mais ce n'est pas à toi. Du mal à dire je t'aime et du mal à dire pardon. Mais ne parle pas des notifications, j'ai des notifications. Mais ce n'est pas à toi. T'as supprimé mon numéro même si je sais qu'au fond tu le connais mieux que moi. Décroche ton phone tel, ton phone tel, ton phone tel, c'est moi. Décroche ton phone tel, ton phone tel, ton phone tel, c'est moi. Elle rêve de changer le négro, mais ce n'est pas possible. Bébé, si je suis triste, c'est que toi aussi. Et même à l'autre bout de la France, je ressens quand tu pleures. On a droit à une autre chance, mais pas pour la même erreur. Avant de pouvoir t'aimer, laisse-moi faire ce cash. C'est bien la richesse intérieure, mais je préfère PayPal. Si j'étais l'avenir, je crois que je serais à nous. Si j'étais une arme, je crois que je serais l'amour. J'essaie de changer mes habitudes de banlieusard. Mes habitudes de banlieusard. Si on se dispute, c'est pas qu'on ne s'aime pas. Juste que notre cadenas est tombé du pont des arts. J'ai des notifications, j'ai des notifications. Mais ce n'est pas à toi. Du mal à dire je t'aime et du mal à dire pardon. Mais ne parle pas des notifications, j'ai des notifications. Mais ce n'est pas à toi. T'as supprimé mon numéro même si je sais qu'au fond tu le connais mieux que moi. Décroche ton phone tel, ton phone tel, ton phone tel, c'est moi. Décroche ton phone tel, ton phone tel, ton phone tel, c'est moi. Nous sommes l'addition de deux parfaits étrangers. Nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé. Jamais de sans toi, je peux juste l'assurer. Je regrette pas mes erreurs, je peux juste les assumer. Je sais que nos cerveaux saturent, mais celui qui revient en premier n'est pas le plus faible, juste le plus mature. Si je n'ai pas ta main, à quoi me sert la mienne? Si je ne fais pas de faute, comment veux-tu que j'apprenne? Rien de plus hypocrite que le regret. Mes problèmes sont l'addition de mes péchés. Une fois que la pluie sera tombée, tes larmes ont séché. J'te dirais que le ciel est jaune comme les Lakers. Laisse-moi croire qu'on a le même cœur. Et te voir sans ton make-up. Jaune comme les Lakers. Laisse-moi croire qu'on a le même cœur. Et te voir sans ton make-up. J'ai des notifications, j'ai des notifications. Mais ce n'est pas à toi. Du mal à dire je t'aime et du mal à dire pardon. Mais ne parle pas des notifications, j'ai des notifications. Mais ce n'est pas à toi. T'as supprimé mon numéro même si je sais qu'au fond tu connais mieux que moi. Décroche ton phone tel, ton phone tel, ton phone tel, c'est moi. Décroche ton phone tel, ton phone tel, ton phone tel, c'est moi. Je sais que la dernière fois, je t'ai dit que c'était la dernière fois. Mais crois-moi cette fois, c'est la dernière fois.